Évariste Ndiko Banyanga. Jean Dodu Ndeisenga sur la mise en onde. Bienvenue dans ce journal de ce dimanche 5 mars 2017. Nous voici d'abord le sommaire. Un jeune garçon a été tué, égorgé par des inconnus au cours de la nuit de ce samedi en commune Rugombo, dans la province de Cibitoke. Et à Bobanza, deux personnes ont été grièvement blessées au cours d'une bagarre entre le bailleur et son locataire qui n'a pas voulu payer les loyers. La Deuxième République, sous feu colonel Jean-Baptiste Magaza, est accusé par le CNDD-FDD de s'être illustré dans la division des Burundais dans le domaine de l'éducation. Le secrétaire chargé du département des ligues affiliées au parti CNDD-FDD l'a déclaré ce samedi à Rumonge, vous l'entendrez dans ce journal. 1700 écoliers et élèves ont déjà déserté l'école en province Mwaro. La pauvreté et les grossesses précoces figurent parmi les causes de ces abandons scolaires. Et en actualité internationale, nous vous parlerons de cette expulsion de 130 Sénégalais par les États-Unis d'Amérique. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce journal par la page sécurité, un jeune garçon de 14 ans du nom d'Ochiz a été égorgé par des inconnus dans la nuit de ce samedi sur la colline Rusiga de la commune Rugomba en province Cibitoke. Des sources policières et administratives sur place indiquent que cet enfant a été tué par des gens qui l'ont trouvé dans la latrine, sachant que ce serait son patron. Les enquêtes sont déjà en cours pour tenter de mettre la main sur ces criminels. Dans cette même province de Cibitoke, un policier a blessé par balle un autre policier au poste de police de Buganda. C'était ce samedi soir. Des sources policières recueillies sur place indiquent qu'il y aurait un conflit entre ces deux policiers. L'auteur du crime est sous interrogatoire au commissariat de police de Cibitoke. Deux personnes ont été grièvement blessées au cours de la nuit de samedi à dimanche à la 5e transversale de la commune Gihanga en province de Bouvanza. C'était dans une bagarre qui a éclaté entre un bailleur et son locataire d'une maison accusé d'avoir refusé de payer les loyers. Les deux blessés ont été évacués à l'hôpital et il a fallu l'intervention de la police pour rétablir l'ordre dans cette localité. Une ambulance du district sanitaire Nyabikere de la province Karusi vient de passer une semaine dans la route nationale numéro 12 devant le commissariat de police de Karusi. Ce véhicule qui dessert 4 communes sur cette de Karusi se trouve à cet endroit après avoir eu un accident dimanche passé. Ce samedi, le responsable de la Sokabu à Gitega était sur les lieux de l'accident. Pour le constat, il signale une mésentente entre le responsable de santé et le conducteur du véhicule camion ayant causé l'accident de cette ambulance. Auguste Nyakamwe demande que ce véhicule accidenté soit dégagé de la route pour éviter un autre sinistre. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le parti CNDD-FDD accuse la deuxième République de s'être illustrée dans la division des Burundais dans le domaine de l'éducation sous les injonctions de la Belgique. Sylvain Sendaïzaïe, secrétaire chargé du département des ligues affiliées au CNDD-FDD, l'a déclaré ce samedi à Rumonge. De Rumonge, Jean-Pierre Misago, correspondance. Selon Sylvestre Ndaïzeye, chargé du département des ligues affiliées au CNDD-FDD, la Belgique a téléguidé des divisions ethniques qui ont été à la base des tueries sous la Première République. Alors qu'un léger mieux s'observait avec l'avènement de la Deuxième République, un phénomène nouveau, plus grave, est apparu. Le non-accès aux écoles donnant à l'enseignement supérieur à une catégorie de Burundais avec l'instauration des fameuses lettres I et U. Ce discours de cette autorité du CNDD-FDD était surtout orienté aux jeunes Imbonerakure affiliés à ce parti afin qu'ils sachent l'origine de la crise politique que traverse actuellement le Burundi et pour qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder la paix et la sécurité. C'était au terme d'une marche-manifestation dite pour la paix qu'ils avaient conduit au stade communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missago. Malgré cela, le président de la République, Pierre Nkurunziza, salue la bravoure de Jean-Baptiste Bagaza. Pour lui, Bagaza a été un président qui a travaillé de toutes ses forces pour son pays et durant son règne. Il n'y a jamais eu de divisions ethniques, a précisé le président de la République, Pierre Nkurunziza, lors de cérémonie d'inhumation de l'ex-président Jean-Baptiste Bagaza. C'était en date du 17 mai 2016. Suivez-le dans la traduction de Pacifique Chubahiro. Même quand je ne serai plus président de la République, je ferai ses éloges parce qu'il a été un président exceptionnel qui a œuvré pour son pays de toute sa force et de toute son âme. Sous le règne du président Bagaza, il n'y a jamais eu de division ethnique au Burundi. Dans le temps, on nous disait que qui a vu le président de ses propres yeux ne pouvait pas attraper la maladie des yeux. Je l'ai toujours regardé, je ne savais pas qu'il serait plus tard mon inspiration. Donc, il a été un modèle de loyauté envers le peuple et les autorités. Il ne suffit pas de l'accompagner alors qu'on garde une rancune contre lui. Il y part, certes, mais qu'allons-nous faire pour immortaliser son œuvre? Économie à présent, une commission indépendante devrait être mise en place pour faire le suivi de l'exonération fixée par le gouvernement sur certains produits alimentaires. Cela est dit par Gabriel Sidi, président de l'Olicom. Il indique que cette commission doit suivre de près les prix sur le marché pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Suivez Gabriel Sidi. Le gouvernement a pris une décision d'exonérer certains produits alimentaires. Nous félicitons le gouvernement pour cette mesure qui va, si c'est bien géré, d'allègement des souffrances de la population. Mais nous voulons rappeler que en 2013, dans la campagne contre la vie chère, avait tout fait pour que des mesures d'allègement des souffrances de la population soient prises suite à la famine qui secouait les Burundais à son moment. Mais malheureusement, la population n'a pas eu de gain pour ces mesures, mais plutôt ces mesures ont été profitées par certaines personnalités du gouvernement et certains commerçants qui collaborent avec ces individus. Pour que ces mesures soient effectives, nous recommanderons à ce que d'abord il y ait une commission indépendante qui regrouperait les parlementaires, les services techniques concernés et les organisations comme les nôtres qui feront le suivi de la mise en application de cette mesure. Nous pensons que cette mesure est une mesure importante, mais il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres mesures de mise en application. Isanganiro. Cap sur Moiro pour parler de l'éducation. Je vous le disais en titre, environ 1700 écoliers et élèves de la province Mwaro ont déjà quitté le banc de l'école au cours de cette année scolaire en cours. Beaucoup de cas d'abandon scolaire dans cette province se remarquent surtout de la première et à la 9e année de l'école fondamentale. Le directeur provincial de l'enseignement province Mwaro dit que parmi les causes qui sont à l'origine de cette situation figure la pauvreté dans les ménages et les grossesses précoces. Laurent Dicourio, reportage. Selon les données que nous devons de la Direction provinciale de l'enseignement en province Mwaro, depuis le début de cette année scolaire en cours, 1701 élèves et écoliers de cette province ont quitté le banc de l'école. Parmi ces derniers, 1592 écoliers et élèves sont dans l'enseignement fondamental. La commune qui enregistre beaucoup de cas d'abandon scolaire à son niveau est celle de Kayokwe avec 390 cas, suivie par la commune Ndava où 388 élèves de l'école fondamentale ont renoncé au cours. D'après les mêmes données, la commune qui connaît moins de cas d'abandon scolaire à l'école fondamentale et celle de Gisozi où seulement 71 cas ont été répertoriés. Au niveau de l'enseignement post-fondamental, c'est la commune Nyabihanga qui vient en tête avec 26 cas d'abandon scolaire et la dernière est celle de Kayokwe qui n'a connu que 15 cas d'abandon scolaire en cette période. Le directeur provincial de l'enseignement en province Mwaro, Omer Barandaguié, dit que parmi les causes de ces abandons, il y a la pauvreté dans les ménages qui pousse certains élèves, surtout les garçons, à aller chercher de l'emploi dans les centres et les villes. Les maladies comme la malaria ont causé beaucoup d'abandon scolaire car si l'écolier tombe malade deux ou trois fois, il finit par céder. Une autre raison donnée par le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro concerne les grossesses précoces chez les jeunes filles. À ce niveau, 6 cas de grossesse précoce ont été répertoriés au cours du premier trimestre de cette année scolaire en cours. D'autres quittent l'école par désintéressement. Le directeur provincial de l'enseignement en province Moaro dit que des réunions de sensibilisation sont organisées à l'endroit des élèves et des parents pour que ce phénomène diminue. De Moaro, Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dikourio. Restons toujours à Moaro pour parler route. Les habitants de Moaro sont satisfaits du bitumage de la route Nyakararo-Mungaro-Gitega qui va aider à développer cette province du centre du pays. Ceux qui ont accordé l'interview à la radio Isanganiro saluent cette initiative du gouvernement avec les bailleurs de leur doter de cette infrastructure longtemps attendue. Les natifs de Mungaro vont sans doute profiter de cette occasion pour participer dans le développement de leur province, ajoutent ces habitants du chef-lieu de la province Mungaro. Suivez-les. La route est la source du développement. Le commerce va à bon train. La circulation devient facile. Dans le temps, il y a ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Moaro suite au mauvais état de cette ancienne route. Mais aujourd'hui, la plupart viennent de tous les coins du pays. Aujourd'hui, le centre Moaro est devenu une ville. Nous disons merci à ceux qui sont en train de bitumer cette route, qu'ils le fassent même ailleurs. Suite à cette route, beaucoup de mouvements va et vient s'observent. Ceux qui ne pouvaient pas se faire suite au mauvais état de cette route. Aujourd'hui, nous sommes très à l'aise, le commerce est facile. Nous disons merci au gouvernement et à ces bailleurs qui ont tout fait pour que cette route soit bitumée. Moaro, avec soif de cette route, source de développement. Beaucoup de gens viennent ici à Moaro. Ça promet le développement de Moaro d'ici quelques jours. Les natifs ne répondaient pas aux activités sources de développement suite au mauvais état de l'ancienne route. Aujourd'hui, l'on voit que Moaro va décoller. Nous disons merci au gouvernement et à ceux qui l'ont appuyé. Cette route va permettre à notre province de marquer un pas en avant plus que d'autres provinces. Aujourd'hui, le voyage est très confortable. L'on met des habits quand on se rend à Bujumbura, soit dans des fêtes, ce qui ne se faisait pas dans le temps à cause de la poussière. Il est difficile aujourd'hui de constater si tel vient de Moaro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale aux États-Unis d'Amérique, accusation de Trump à l'encontre de Barack Obama de l'avoir mis sur écoute à la fin de la campagne électorale, une stratégie à double tranchant. Au Sénégal, arrivé samedi soir à Dakar, de 130 Sénégalais expulsés des États-Unis et en RDC, en République démocratique du Congo, au sein de la coalition de l'opposition, les divisions se confirment. Les uns s'accusent d'être achetés par la majorité présidentielle et les autres de faire des arrangements entre amis. Dorine Dairolele nous en dit plus. En RDC, après la scission d'une frange du rassemblement nommant leur président, ce samedi 4 mars, c'était un autre membre de cette coalition de l'opposition qui a exprimé son mécontentement. Pour Raphaël Katé-Bekatoto, l'un des fondateurs du rassemblement en juin 2016, les procédures n'ont pas été respectées. Ils n'ont pas associé le conseil des sages, ça c'est le plus important, explique à RFI Raphaël Katé-Bekatoto. Il appelle donc les évêques congolais à aider le rassemblement à s'entendre. Au Sénégal, on nombre de 130, ces Sénégalais rapatriés depuis le 20 février ont été reconnus coupables des délits aux États-Unis. Dans un communiqué publié le lendemain, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a précisé que les griffes retenues contre les personnes concernées portent entre autres sur l'entrée illégale et des séjours irréguliers sur le territoire américain d'une autre part, et d'autre part sur le trafic de drogue, la consommation de stupéfiants, des délits financiers et des délits de contrefaçon. Comme nous le lisons sur le site web de la BBC, les autorités sénégalaises assurent que toutes les dispositions pratiques ont été prises par les services compétents de l'État pour leur accueil. Et aux États-Unis d'Amérique, la journée de samedi avait démarré avec une bombe lancée par Donald Trump sur Twitter. Selon le président américain, son prédécesseur Barack Obama l'a fait mettre sur écoute à la fin de la campagne électorale. Selon le site web de la RFI, l'accusation est frontale, sans pincette, et le week-end s'annonçait avec bouillon. Trump n'a apporté aucun début de preuve. Barack Obama a fait publier un démenti et tout le monde s'est trouvé bien embêté pour commenter l'affaire. C'est sur cette actualité internationale que se referme cette édition. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée dominicale chez vous. Je vous retrouve à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.